À lui seul, le panneau d'entrée dans un tunnel signifie qu'il est interdit d'y faire demi-tour, et ceci, quelle qu'en soit la raison. En revanche, en cas de malaise grave d'un passager, et dans le cas où le tunnel est très long et qu'il est vraiment nécessaire de s'arrêter, il faut allumer les feux de détresse, se garer sur les refuges ou sur la bande d'arrêt d'urgence quand elle existe, couper le contact, contacter les secours à partir d'une borne d'appel d'urgence et localiser l'issue de secours la plus proche. En cas d'incendie, les consignes peuvent varier selon son ampleur. Mais en aucun cas, il ne faut faire marche arrière ou demi-tour. Abandonnez votre véhicule en laissant les clés sur le contact et réfugiez-vous dans l'issue de secours la plus proche. Réponse B et D.